Chapitre 39e. L'aide, dit à demi-voix Raben lorsque, le jour venu, la jeune fille parut sur l'estrade. « Ceux qui vous ont dit cela ne l'avaient pas regardé. Quels cheveux, quels yeux, quel joli visage fin et doux. Ce Demian est un heureux coquin. Et ?» fit la princesse en se tournant vers lui avec un éclair de fureur dans ses yeux étranges. Raben sourit d'un air calme et remit son pince-nez. « Voyez plutôt, princesse, comme elle devine ses moindres intentions, comme elle suit le mouvement de son archet. Il ne s'occupa plus du piano que s'il n'existait pas. C'est elle qui veille à tout et qui semble faire partie du violon même. Il faut joliment aimer un homme pour s'identifier de la sorte avec lui. « Bah !» fit Cléopâtre, qui avait repris son sang-froid un instant troublé. « Il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est purement machinal. Vous croyez ? Regardez. On applaudit son héros et c'est elle qui rougit de plaisir. N'ayez pas peur qu'elle prenne pour elle la moindre parcelle de son triomphe. Elle ne songe même pas qu'elle a droit des éloges. Elle savoure ce que la foule idolâtre, amenée par vous, cher ami, prodigue à l'homme qu'elle aime. Et ce regard innocent, timide, heureux, qu'elle jette sur lui au moment où il lève son archet pour recommencer. Ce n'est pas de l'amour. Après tout, j'ai peut-être tort de vous prendre pour juge ici. C'est une sorte d'amour que vous ne pouvez comprendre. Un amour stupide et immatériel, qui vit de lui-même, et n'attend rien de l'être aimé. Les imbéciles aiment ainsi, mais vous êtes trop intelligente. Prenez garde, dit la princesse très bas. Et avec le plus charmant sourire, ne me persiflez pas, car je pourrais avoir envie de me débarrasser de vous. Les Tcherkesses de ces montagnes ne s'inquiètent pas beaucoup de la vie d'un homme. Vous n'oseriez pas, répondit Raben avec le même calme. Vous savez que je puis vous être très utile. Mon dévouement vous est trop précieux. Mais nous entendons tous deux admirablement la plaisanterie, n'est-ce pas ? Elle sourit. Et ce sourire découvrit ses dents blanches et féroces. Hélène, qui la regardait à la dérobée, tout en jouant, ressentit un tel frisson en voyant l'expression de ce visage qu'elle manqua une note. Un mouvement d'impatience très léger mais presque brutal échappa à Demian. Elle baissa humblement la tête et s'appliqua à jouer de son mieux. « C'est vrai, » dit Cléopâtre, « elle l'aime à sa façon moutonnière, mais lui ne l'aime pas. Comment pourrait-il l'aimer ? Il a bien autre chose en tête. Pour lui, elle n'existe seulement pas. » La princesse sourit une seconde fois, mais son visage avait changé d'expression et portait désormais l'empreinte de la satisfaction paisible d'une femme qui adore la musique. À la sortie du concert, Demian reçut les félicitations de plusieurs personnages marquants et se sentit enfin maître du terrain. C'était un succès qu'il devait à la princesse. Il voulut le lui dire et la remercier, mais elle avait disparu dans les jardins. Un peu vexé, il se retourna vers Hélène, qui y rangeait la musique. Elle avait déjà couché le violon dans sa boîte, et Victor le tenait sous son bras, prêt à partir. « Viens-tu ? » dit celui-ci en se dirigeant vers la porte. Demian haussa les épaules avec un mouvement de colère. « Ne dirait-on pas que je ne puis sortir seul ? Pour l'amour de Dieu, laissez-moi en repos !» C'est intolérable d'être ainsi gardé à vue. » Dès les premiers mots de ce discours, Hélène avait quitté la salle. Sa longue traîne, relevée par sa main gauche, un petit bachelique de dentelle blanche sur les cheveux. Elle marchait lentement dans le jardin, désert à cette heure, où chacun rentrait chez soi pour dîner. Le soleil se cachait derrière les arbres, et d'ailleurs, elle ne craignait pas le soleil, pas plus que la princesse Cléopâtre. Elle marchait la tête basse, tournant autour du parterre, et attendait Victor, qui venait pour la première fois de sa vie, de répondre ouvertement à son frère. Son sens de la justice lui disait que Demian avait bien mérité quelques reproches, et cependant, comme une mère qui châtie en pleurant son enfant rebelle, le cœur lui saignait pour le coupable. Tout à coup, un pas rapide fit crier le sable. Elle leva les yeux et vit devant elle la princesse Rhédine qui s'arrêta. « Mademoiselle Hélène, » dit la grande dame avec bienveillance. « Oui, madame, » répondit la jeune fille en s'inclinant légèrement. Voulez-vous bien venir faire un peu de musique ce soir chez moi, si M. Marcof n'est pas trop fatigué toutefois? Pensez-vous qu'il puisse venir? Hélène regarda la princesse dans les yeux et répondit de sa voix claire et douce. « Je pense qu'il sera heureux de se rendre vos ordres, madame la princesse. Et vous ?»« J'accompagne M. Marcof toutes les fois qu'il lui plaît de jouer, » répliqua la jeune fille sans hauteur mais sans enjouement. Après un très court silence, elle reprit. « Puisque j'ai l'honneur de vous parler, madame, permettez-moi de vous remercier pour la peine que vous avez prise de m'envoyer votre femme de chambre. « La robe vous va très bien, » fit la princesse en examinant sa rivale de la tête aux pieds. « Un peu étrange, mais jolie. »« Madame la princesse est bien bonne, » répondit Hélène en détournant les yeux. Cléopâtre regarda encore un instant celle qui recevait ainsi ses avances de grande dame, la salua d'un geste hautain, puis passa outre. Elle se sentait blessée sans savoir de quoi, car rien dans les paroles ni dans l'attitude de la jeune fille ne pouvait lui fournir un prétexte à quelque irritation. Elle se consola en pensant que cette petite sauvage était mal élevée, et elle se promit de lui apprendre à vivre si l'occasion s'en présentait. Au même instant, Victor accourut très animé et entraîna Hélène à travers le jardin jusqu'à la voiture qui les attendait. « Le violon ?» dit la jeune fille en voyant que le précieux instrument n'était pas dans les mains du petit bossu. « Qu'il le porte !» fit-il en s'asseyant dans la voiture, dont il referma la portière avec colère. « Qu'il le porte et qu'il revienne à pied. Je ne veux plus lui servir de domestique. Vous non plus, Hélène. Vous ne raccommoderez plus son linge. Il devient intolérable avec ses airs de hauteur. » C'est chez la princesse qu'il a attrapé cela, comme une maladie. Et c'est pire que la peste, bien sûr. Mais je suis son aîné, et je ne souffrirai pas qu'il me toise, dès ce soir. Ce soir, nous allons chez la princesse, dit Hélène, en mettant sa petite main suppliante sur le bras de ce vengeur du droit d'aînesse. Je vous en supplie, mon bon Victor, ne le grondez pas ce soir. Il jouerait mal, et vous savez le tort que cela peut lui faire. Il a les nerfs sensibles. Le diable emporte ses nerfs. J'ai les miens aussi, au bout du compte. Et vous, est-ce que vous n'en avez pas? Mon bon Victor, reprit Hélène, je vous en conjure, si vous m'aimez, ne lui dites rien. C'est un moment à passer. Il nous reviendra, il nous aime. » À ce mot, elle fondit en larmes et couvrit brusquement son visage de ses deux mains. Elle sentait si bien qu'il ne l'aimait pas. La voiture s'arrêtait. Elle essuya bien vite ses yeux avec son petit mouchoir et sauta à terre d'un air tranquille et résigné. Il y avait longtemps qu'elle avait appris à se composer ce visage. Mais qui, pour ce fait, eût osé l'accuser d'hypocrisie ?